avec nous et avec Patrick Pénaud. Rendez-vous avec X. Depuis quelques semaines, les affaires angolaises sont à la une et l'on semble découvrir un monde glauque où s'entrecroisent hommes politiques et trafiquants de haute volée, où la moindre commission se calcule en millions de dollars, où la guerre est une industrie comme une autre. Je dis bien que l'on semble découvrir, car nul n'a jamais douté que l'Afrique était un terrain de chasse privilégié pour les aigrefins de toute nature et les... Et nous, Français, sommes bien sûr particulièrement concernés en raison des liens intimes et trop souvent obscurs que nous avons noués avec ce continent depuis les temps lointains de la colonisation. Il était donc tentant de demander à M. X ce qu'il pensait de ces affaires, puisque les services secrets y ont joué, et y jouent encore, un rôle important. Mais d'abord, une observation. L'Angola est une ancienne colonie portugaise et pourtant... La France est impliquée depuis 25 ans dans le conflit qui déchire ce pays de façon quasi ininterrompue. Un conflit qui a déjà fait des centaines de milliers de morts et qui a provoqué la ruine de l'Angola, alors même qu'il s'agit de l'un des pays potentiellement le plus riche du continent grâce à ses ressources naturelles. Mais, à l'évidence, c'est paradoxalement cette richesse qui est la cause de ce désastre. Une richesse qui a attiré toutes les convoitises et qui explique qu'aujourd'hui, un quart de siècle après l'indépendance, l'Angola est toujours victime d'une guerre civile impitoyable, attisée par les marchands d'armes et les grandes puissances économiques. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Nous en avons souvent parlé ensemble. Indépendance ou pas, la France n'a cessé d'intervenir en Afrique. Ouais, la France-Afrique, c'est ça. Oui. Ouais. Mais bon, c'est d'abord pour préserver ses intérêts économiques. Mais essentiellement, et sans se soucier de développer réellement tous ces pays et d'accroître le niveau de vie des habitants. Mais pour cela, il était nécessaire que la France et des dirigeants africains sabotent. Ouais, sabotent, vous n'exagérez pas un peu, quand même. Non, pas du tout, vous le savez très bien. Et quand l'un de ces dirigeants renâclait ou cessait simplement d'être efficace... On se débrouillait pour l'éloigner ou le liquider, avec des fortunes diverses d'ailleurs. Enfin, les exemples sont nombreux. Ouais. Enfin, vous parlez au passé, là. Est-ce que ça a vraiment changé? On peut l'espérer, c'est tout ce que je puis dire. Mais il faut malheureusement noter que malgré les alternances politiques, nos relations avec l'Afrique n'ont pas encore fondamentalement évolué. Et ceux qui avaient le désir de le faire ont échoué. Souvenez-vous de l'éphémère secrétariat d'État à la coopération de Jean-Pierre Cotte, tout au début du premier septennat de François Mitterrand. Oui, c'est vrai, mais enfin, revenons à notre sujet du jour, là, mais enfin, en Angola, nous n'étions pas chez nous, enfin, si je puis dire. Oui, là, vous avez raison. L'Angola faisait partie de l'empire colonial portugais depuis le 15e siècle. Mmh. Et pendant longtemps, cette colonie a été l'un des principaux pourvoyeurs de la traite des Noirs. Souvent avec la complicité des chefs locaux, d'ailleurs. Mais c'est une autre histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pays commence à bouger au début des années 60. Oui, c'est ça, 60, donc, alors même que les colonies francophones viennent d'accéder à l'indépendance. Oui, hein, oui, pendant une quinzaine d'années, les indépendantistes vont mener la vie dure aux Portugais. Ils seront même indirectement à l'origine de la révolution des œillets en 1974. C'est-à-dire la chute de la dictature. C'est ça, oui. Les jeunes capitaines portugais qui s'emparent du pouvoir à Lisbonne ont tous été marqués par la sale guerre coloniale qu'ils ont dû mener en Angola. Et le nouveau pouvoir, à la faveur du retour à la démocratie, va s'empresser de donner leur indépendance à toutes les colonies portugaises. Mais en Angola, la situation est particulièrement compliquée. Mmh, pourquoi ? Parce qu'avant même l'indépendance, les nationalistes angolais sont divisés. Et leurs rivalités seront exacerbées dès que l'Angola va échapper à la tutelle portugaise. Et alors, ces mouvements indépendantistes Historiquement, le premier, c'est le MPLA, c'est-à-dire le Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola, qui est soutenu par le Parti communiste portugais. Il est d'inspiration marxiste et recrute surtout dans la bande côtière, là où se trouvent beaucoup de métis et, d'une façon plus générale, les élites du pays. Son chef est le docteur Agostinho Neto. Neto, oui. Et les autres, alors? Il y en a deux. Le FNLA, le Front National de Libération de l'Angola, dirigé par Roberto Holden, un parent du président du Zaïre, Mobutu. Mais ce mouvement, qui est une sorte d'émanation de la CIA, sera rapidement exclu de la compétition. L'autre, c'est l'Unita de Jonas Savimbi. Unita, comme unité? Non. Unita, ça veut dire, je crois, Union pour l'indépendance totale de l'Angola. Savimbi appartient à une ethnie du sud-est du pays. C'est donc un homme de l'intérieur. Ouais, de l'intérieur, mais politiquement? C'est très curieux. Savimbi est d'abord très influencé par le marxisme à la chinoise. Et il construit son mouvement selon les principes maoïstes. Mmh. Mais bientôt, il va oublier l'idéologie et ne gardera que la méthode de direction, comme bien d'autres. C'est-à-dire? Bon, une structure pyramidale très rigide, avec à sa tête, naturellement, Jonas Savimbi lui-même. Ouais. Un chef incontesté. Ouais, qui ne vaut mieux ne pas contester, car Savimbi, qui a par ailleurs un charisme indéniable et pas mal d'autres qualités, n'est pas tendre avec ceux qui seraient tentés de mettre en cause son autorité. Alors, je retiens qu'il y a donc... dans cette rivalité entre les mouvements indépendantistes, hein, les trois, là, une indéniable composante ethnique. Comme partout en Afrique. Mais il restera quand même quelque chose de cette compétition idéologique. Parce que l'URSS soutiendra le MPLA, tandis que la Chine aidera l'UNITA. Alors même que Savimbi aura choisi clairement le camp occidental. Bizarre, quoi. Et la guerre civile éclate dès l'indépendance? Pratiquement, oui. Le MPLA de Neto, qui a la sympathie des révolutionnaires portugais, s'installe à Luanda, la capitale. Mais aussitôt, les deux autres mouvements se lancent à l'assaut, et ils sont l'un et l'autre soutenus par des troupes étrangères. Roberto Holden reçoit naturellement l'appui de l'armée zaïroise. Ouais, Zaïre qui est voisin de l'Angola. Bien sûr, le puissant voisin du Nord. Mais au Sud, il y a la Namibie, contrôlée alors par l'Afrique du Sud. Et le pays de l'apartheid va aider militairement Savimbi. Mais c'est-à-dire l'ancien pro-chinois. Eh oui, oui, mais enfin, c'est ainsi. Hein. Alors, oui, c'est curieux, enfin, mais je me répète. Le MPLA... est donc pris en tenaille. Exactement. Et en cette année 75, sa situation est quasi désespérée. Mais heureusement pour Neto, les Cubains vont arriver. Les Cubains, ça veut donc dire que Moscou a donné son feu vert. Bien évidemment. Quant aux Sud-Africains, ils ne sont pas intervenus militairement sans avoir auparavant prévenu Washington. Washington qui a donc acquiescé. Qui a non seulement acquiescé, mais qui va fournir une importante aide matérielle aux troupes sud-africaines et par contre-coup à Savimbi lui-même. Ouais. Alors, si je vous suis bien... Bah, c'est donc un nouvel épisode de la guerre froide qui se joue en Angola. Tout à fait. Les Cubains soutenus par les Soviétiques contre les Sud-Africains aidés par les Américains. Mmh. Pourquoi t'en intéresses pour ce pays d'Afrique? Bah, sa richesse. En Angola, on trouve tout, oserais-je dire. Le sous-sol regorge de richesses. C'est là qu'on extrait les plus beaux diamants du monde. Puis il y a le pétrole. Les eaux angolaises offrent des ressources pétrolifères considérables. Encore plus importantes que les gisements nigériens ou gabonais, c'est dire. Et d'ailleurs, au fil des années, on ne cessera de faire de nouvelles découvertes. Mmh. Alors, ce sont donc ces richesses qui expliquent cette compétition entre l'Est et l'Ouest. Naturellement. Mmh. Et Mobutu, le voisin du Nord, lui, où est-ce qu'il se situe? Bah, dans le camp occidental, bien sûr. N'oubliez pas que c'était un homme de la CIA. Ouais. Mais il va être obligé rapidement de rappeler ses troupes parce qu'il aura quelques soucis à se faire au Katanga. Ouais. Il n'en reste pas moins qu'il demeurera un fervent soutien de Savimbi et de son UNITA. Mmh. Bon, j'ai bien compris, mais et la France dans tout ça? Bon, j'y viens. La France, là-bas, c'est essentiellement la compagnie Elf. Et Elf, comme les autres pétroliers américains en particulier, a en principe tout à craindre du régime marxiste qui s'est installé à Luanda. Ouais, bah, vous avez dit en principe. Hein. Bah, bien entendu, parce que vous le verrez dans la suite de cette histoire. Les intérêts pétroliers, bien compris, s'accommodent de tous les régimes et de tous les systèmes. Ouais, il suffit d'y mettre le prix. Et d'arroser là où il faut arroser. Peu de marxistes, même très convaincus, refusent longtemps ce genre d'argument. En tout cas, c'est vrai, en 1975, Elf s'inquiète un petit peu. Et dans les services de sécurité de la firme, on a une idée. Quoi? Bah, d'abord, je vous rappelle que traditionnellement, ces services sont truffés d'anciens d'USDEC. Donc cette idée, elle s'appelle Cabinda. Ah oui, l'enclave de Cabinda, c'est oui, ça. Oui, un petit territoire de quelques 7000 km² coincé entre le Congo-Brazzaville et le Zaïre. C'est un ancien comptoir qui a été très prospère au temps de la traite des esclaves, mais qui a ensuite peu à peu décliné. Jusqu'au moment, dans les années 60, où on y a découvert du pétrole dans ces eaux territoriales. De fabuleux gisements. Quelqu'un, je ne sais plus qui, a même dit que Cabinda était une formidable anomalie géologique. Mmh. Mais, attendez, Cabinda, là, administrativement... Bah, Cabinda était une colonie portugaise, bien sûr. Et en 1975, au moment de l'indépendance, elle a été rattachée à l'Angola. Oui, mais avec l'Angola, avec qui elle n'a pourtant aucune frontière. Non, non, puisque presque 60 km séparent Cabinda de l'Angola. Ouais. Alors, l'idée des gens de Elf, là... Et qui va naturellement être relayée par le gouvernement français, eh bien, c'est de susciter un mouvement indépendantiste dans l'enclave. C'est-à-dire un mouvement dirigé contre le pouvoir central de Luanda. Oui, absolument. Ouais. Ainsi, on réalise deux objectifs. D'abord, on crée des difficultés au régime marxiste angolais, puis ensuite, on met la main sur le prodigieux pactole pétrolier de l'enclave. Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Riche, très riche Cabinda. Si riche qu'on l'appelle le Koweït africain. En 1992, par exemple, voici ce que le journaliste Christophe Labarde écrit dans le Figaro. On savait que l'Angola et son enclave de Cabinda étaient riches en pétrole. On ne savait pas qu'ils étaient si riches. À la fin décembre 1991, la revue spécialisée BP Statistical Review faisait état de réserves totales pour l'Angola de 300 millions de tonnes, un chiffre à rapprocher des 100 millions du Gabon, troisième puissance pétrolière d'Afrique noire. De sources confidentielles, on apprend aujourd'hui que les réserves prouvées de brut angolais se montraient en réalité à 410 millions de tonnes. Encore loin du Nigeria avec ses 2,4 milliards de tonnes, mais plus de 4 fois les réserves gabonaises. Une véritable manne. Historiquement, c'est la compagnie belge Petrofina qui est à l'origine des premières découvertes de brut dans les environs de Luanda en 1955. Aujourd'hui, c'est l'américain Chevron qui assure l'essentiel de la production angolaise, 300 000 barils par jour sur un total de 547 000, avec le français Elf, 170 000 barils par jour. Mais les perspectives dépendent très étroitement de l'évolution et de la situation politique particulièrement tendue. Autre indication, sur les ressources propres de Cabinda, je l'extrais d'un article de Marché Tropicaux publié en juin 1999 et qui cite les propos de M. Amaral, chargé de la recherche chez Elf Angola. Pour M. Amaral, qui n'a pas hésité à le déclarer en public, l'Angola pourra produire du pétrole à volonté jusqu'en 2020. Cabinda est un scandale pétrolier, car on y découvre du pétrole dans tous les coins. Vous avez dit que la France avait l'intention de susciter la création d'un mouvement indépendantiste dans l'enclave de Cabinda. Oui, la France et la compagnie, elle. Oui, d'accord, j'ai bien compris. Mais ce mouvement a-t-il été créé de toutes pièces ou bien existait-il déjà quelque chose? Effectivement, il existait un fantomatique front de libération de l'enclave de Cabinda, le FLEC. Mais au cours de la guerre d'indépendance contre le Portugal, ce FLEC n'a pas joué un grand rôle et a refusé en particulier d'avoir parti lié avec les autres mouvements révolutionnaires angolais. Et pour quelle raison alors? Parce que les Cabindais ne se sentent pas angolais. Ethniquement d'ailleurs, ils sont plus proches des Bakongo. Bakongo, c'est-à-dire les Congolais de l'Ouest, hein, oui, c'est ça? Oui, et c'est, les deux Congos se verraient bien l'un et l'autre annexer la riche enclave du Cabinda. Ouais. Donc il ne doit pas être trop difficile d'encourager le sentiment national chez les Cabindais. C'est hein, exact, et ouais, les Portugais les premiers s'y sont essayés d'ailleurs. Enfin, les Angolais nouvellement indépendants ont tout de suite senti le danger et ils ont envoyé des troupes dans l'enclave. Il y a eu des combats? Quelques escarmouches, oui, mais enfin, les Angolais ont rapidement maîtrisé la situation. D'autant que les séparatistes cabinets du FLEC se sont vite divisés. Alors, les Français, hein, puisque c'est notre sujet là. Les Français, comment vont-ils agir? Eh bien, en aidant matériellement l'une des composantes du FLEC, celle qui semble la plus déterminée. Et pour dire franchement les choses, ce sont nos services qui ont pratiquement ressuscité ce mouvement indépendantiste. Certains ont même pu dire que ce FLEC était une création française, une pure création de nos services secrets. Voilà, qui est clair au moins, mais qui paie? La France, bien sûr, c'est-à-dire le gouvernement. Mais Elf, pour des raisons évidentes, passe aussi à la caisse. Puis il y a les Américains. Eux aussi. Ouais. C'est normal. N'oubliez pas qu'il s'agit de lutter contre le pouvoir marxiste en place à Luanda. Et puis les compagnies pétrolières américaines sont intéressées au premier chef. Alors c'est donc la Sainte Alliance contre le communisme? Pour la préservation des intérêts capitalistes dans la région. Ouais. Et pratiquement alors, comment ça se passe, Marc? Comme d'habitude. Mais c'est-à-dire? On entraîne les Cabindais, on les arme et on recrute des mercenaires. Toujours les mêmes. Tous ces chiens de guerre qui ont participé avec la complicité du SDEC à tous nos mauvais coups sur le continent, au Katanga, au Biafra, en Guinée. Bob Denard? Il en est, naturellement. Et sur le terrain? L'offensive commence d'abord en août 75 avec la proclamation de l'indépendance du Cabinda par le porte-parole du FLEC en exil au Zaïre. Une proclamation purement formelle. Mais le mouvement est lancé et bientôt les séparatistes vont passer à l'action. Et comment? En novembre, les troupes indépendantistes regroupées au Zaïre entrent dans l'enclave du Cabinda. Mais c'est un fiasco. Pourquoi? D'une part, l'enclave est bien mieux défendue qu'on ne le croyait. Les Angolais, qui s'attendaient à devoir faire face à une invasion, avaient miné la frontière. Et les indépendantistes ont eu tout de suite de très lourdes pertes. Ensuite, on s'est vite aperçu que ce FLEC était une baudruche. Mais pourtant, derrière, vous m'avez dit, enfin, il y avait nos services secrets. Oui, mais enfin, les gens du SDEC ont été abusés par la dirigeante du FLEC. Abusés que dans les services, on pensait que les indépendantistes disposaient à l'intérieur de l'enclave de sérieux appuis capables de relayer l'offensive militaire sur la frontière, mais c'était faux, complètement faux. Bref, nos services de renseignement étaient mal renseignés. C'est à peu près ça, oui. À la piscine, on a guère apprécié. Et quelques têtes sont tombées. Après cet échec, ce douloureux échec, Est-ce que la France renonce ? Non, non, elle ne renoncera jamais à s'intéresser à l'Angola, comme on a pu le constater encore très récemment. Et le SDEC va continuer à entraîner des hommes et à mobiliser des mercenaires. Toutefois, la stratégie va changer. À cause de ce premier échec hein. Manifestement, il est désormais clair que le FLEC des indépendantistes Cabinde est une coquille vide. Il faut donc plutôt choisir une stratégie d'encerclement si on veut se débarrasser des communistes en place à Luanda. Et donc ne pas seulement attaquer dans l'enclave de Cabinda. C'est tout à fait ça. Et dans cette optique, le pouvoir giscardien va conclure une alliance secrète avec l'Afrique du Sud, les États-Unis et bien sûr l'UNITA de Jonas Savimbi. L'UNITA qui est seul capable de lutter efficacement sur le terrain contre le MPLA d'Agostino Neto. Et... Oui, d'autant que le MPLA est lui-même toujours puissamment aidé par les pays de l'Est. Et qui sont représentés sur place par les Cubains. Il y aura jusqu'à, je crois, 50 000 militaires cubains en Angola. Mais vous parliez d'une alliance. Une alliance secrète, oui. Seule l'Afrique du Sud se mouillera, si j'ose dire. Se mouiller, c'est-à-dire qu'elle va envoyer des troupes ? Oui. Et la France et les États-Unis, par l'intermédiaire de leurs services secrets, se contenteront de fournir des armes, des mercenaires et de l'argent, bien entendu, des millions de dollars. J'ajoute que les Chinois n'ont pas été en reste et qu'ils ont, eux aussi, contribué à armer Savimbi. Des armes chinoises qui ont parfois été convoyées jusque dans les maquis de l'UNITA par des hommes du service action du SDEC. Oui, étrange collaboration. En effet, pleine de contradictions. Oui, mais donc des Chinois qui se trouvent dans le même camp que les Sud-Africains et les Américains. Hein. Ah, pas seulement. L'Angola du président Neto vit du pétrole, uniquement du pétrole, car les diamants se trouvent à l'intérieur du pays dans des zones contrôlées par l'UNITA. Or, ce pétrole, il est extrait par les Américains. Et aussi par elf. C'est vrai. Ouais. Mais ce sont les sociétés américaines qui assurent le plus gros de l'exploitation. Si ces sociétés ferment le robinet, l'Angola est asphyxiée. Ouais, les Angolais pourraient être aussi tentés de nationaliser. Hein. Non, c'est trop dangereux. Vous avez vu ce qui est arrivé à Mossadegh, en Iran. En cas de nationalisation, les Occidentaux n'hésiteraient pas à intervenir par la force, ouvertement. Et puis il faut des hommes, des techniciens, des compétences. Ce que les Angolais ne possèdent pas. Bien sûr. Alors on va assister à cette situation extravagante. Les sociétés américaines vont extraire leur pétrole sous la protection des communistes angolais, même parfois des soldats cubains. Au royaume des affaires, il y a bien des accommodements possibles. Même avec le diable. N'est-ce pas ? En tout cas, c'était à l'occasion de la création de cette coalition de circonstances que nous avons entamé notre long flirt avec Jonas Savimbi. Faut dire qu'à Paris, le patron du SDEC, Alexandre de Maranche, s'est littéralement entiché de Savimbi. Entiché, non ? Exagéré, là. Non, d'aucune façon. Maranche l'a comparé à De Gaulle. Vous imaginez. Mais il le connaissait personnellement ? Oui, il l'a rencontré à plusieurs reprises. Il l'a même fait venir secrètement à Paris. Mieux, Alexandre de Maranche s'est lui-même rendu clandestinement en Angola pour voir Savimbi. Est-ce qu'il est d'usage que le patron des services secrets prenne de tels risques ? Certainement pas. Mais je vous l'ai dit, Maranche avait une folle admiration pour Savimbi. Ouais. Mais est-ce qu'il était suivi en cela par le pouvoir ? Vous voulez dire Giscard d'Estaing ? Ben oui. Jusqu'à un certain point, oui. Mais peu à peu, la détermination du président de la République va flancher. Et pourquoi ? À cause des soviétiques. Giscard ne voulait pas déplaire à Moscou et en 1978, il a demandé au SDEC de cesser d'aider l'UNITA. Et Alexandre de Maranche a obtempéré ? Ben, il lui était difficile de désobéir au président de la République. Mais immédiatement, il a cherché une autre solution pour venir en aide à son grand ami Savimbi. R. Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Alexandre de Maranche, entiché de Jonas Savimbi ? Oui. Monsieur X a raison. Il suffit pour cela de compulser le livre d'entretien entre l'ancien patron du SDEC et Christine Okrent dans Le secret des princes, publié en 1986 chez Stock. Au-delà des ethnies, écrit-il, Savimbi est le chef naturel, le vrai chef de l'Angola, comme De Gaulle était celui de la France qui ne voulait pas se soumettre. Autre chose. Dans un ouvrage remarquablement documenté paru aux éditions Histoire et Collection, Frédéric Lert a révélé beaucoup de secrets de la CIA. Il a consacré un chapitre à l'Angola, je lis ceci. Au début de l'année 1975, un sénateur avait posé au patron de la CIA, William Colby, la question que tout le monde avait à l'esprit. Pourquoi les Chinois soutiennent-ils l'UNITA ? Le plus simple est de répondre que c'est parce que les Russes sont derrière le MPLA. Et c'est pour ça que nous soutenons le FNLA ? Absolument. John Stockwell dirigeait l'opération de la CIA en Angola. Il donna dans ses mémoires une description précise du premier briefing donné par le directeur de la CIA au Conseil de sécurité qui entourait le président Gerald Ford. Messieurs, voici une carte d'Afrique. L'Angola se trouve ici. Il existe deux mouvements de libération en Angola. Le FNLA de Roberto Holden, ce sont les gentils, et il y a le MPLA de Agostinho Di Neto, qui est un poète psychopathe ivrogne avec un fond de marxisme. ce sont les méchants. Ainsi, les membres du Conseil de sécurité étaient fixés sur les forces en présence et ne pouvaient plus se tromper dans leurs analyses de la situation. Si l'UNITA n'avait pas été explicitement mentionné, c'est que très peu de choses étaient connues sur le plus petit des trois mouvements. Son leader, Jonas Savimbi, avait jusqu'à présent passé plus de temps auprès de ses hommes sur le terrain que dans les réceptions diplomatiques à Luanda. Mais, nous l'avons vu bientôt, c'est l'UNITA qui va recevoir l'essentiel de l'aide américaine. L'ouvrage de Frédéric Lehrt est intitulé « Les ailes de la CIA ». Alors, quelle solution Maranche a-t-il trouvé? Le patron du SDEC était furieux. Il en a toujours voulu à Valéry Giscard d'Estaing. Mais je vous l'ai dit, il n'a pas renoncé pour autant à venir en aide aux combattants de l'UNITA. Et pour tourner les ordres du président français, il a fait appel aux Marocains et aux Saoudiens. Mais pourquoi eux, là? Alexandre de Maranche avait d'excellentes relations personnelles avec le roi Hassan II. Il n'a pas eu de mal à le convaincre. Quant aux Saoudiens, il aurait été difficile de refuser de donner un coup de main à un leader africain aussi résolument anticommuniste. Mais cette aide a pris quelle forme? Évidemment, Marocains et Saoudiens ne sont pas allés combattre sur le terrain, vous en doutez. Mais ils montent ensemble, avec l'assistance discrète de quelques types de chez nous, un véritable pont aérien à destination des maquis de l'UNITA. Et c'est ainsi que des dizaines, des centaines même de tonnes d'armes d'origine les plus diverses sont livrées à Savimbi. Un trafic clandestin? Naturellement. Enfin, déjà, si je puis dire. Il ne fait nul doute qu'à cette occasion, certains marchands d'armes ont dû faire de fructueuses affaires. Et que les intermédiaires, il y a toujours des intermédiaires dans ce genre de trafic, ont dû toucher de colossales commissions. Mmh. Et les Américains? Eh bien, aux États-Unis, c'est passé à peu près la même chose qu'en France. C'est-à-dire? Jusqu'en 1976, c'est le président Ford qui est aux commandes. Mmh. Il a donné le feu vert à la CIA pour aider Savimbi à coups de millions de dollars, tout en laissant le Congrès dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que le Congrès l'aurait désavoué? C'est certain. Les Américains sortaient tout juste de la guerre du Vietnam. Et ils n'avaient pas envie de se trouver mêlés à un nouveau conflit hors de leur précaré. En outre, Jimmy Carter succède à Ford en novembre 76 et ce président donne l'ordre à la CIA de mettre immédiatement fin à ses activités en Angola. Mmh. Il est obéi? En apparence, oui. En apparence, ça signifie quoi? Que les types de la CIA agissent exactement comme Maranche. Ils trouvent un intermédiaire pour continuer à aider Savimbi. Et c'est tout naturellement l'Afrique du Sud. Pendant les 4 ans de la présidence Carter, le pays de l'apartheid va puissamment aider l'UNITA. Il faut dire que de l'autre côté, on ne lésine pas non plus sur les livraisons d'armes. De l'autre côté, c'est-à-dire du gouvernement anglais? Oui, c'est par cargo entier que les armes soviétiques sont débarquées à Luanda. Et puis, il y a toujours la présence massive du contingent cubain. Alors, j'imagine que l'élection de Ronald Reagan va changer la donne. C'est certain. D'ailleurs, il est à peine élu qu'il reçoit la visite de notre ami Alexandre de Maranche. Maranche qui vient plaider la cause de Savimbi. Oui, et ce plaidoyer est écouté avec beaucoup d'attention par Reagan, qui est décidé à tout faire pour affaiblir l'ordre soviétique. Donc, l'aide américaine va recommencer? Tout de suite. Elle sera si importante et significative que les maquisaires de l'UNITA seront les premiers, avant même les rebelles afghans, à être équipés des fameux missiles Stinger. C'est un missile anti-aérien, c'est ça? C'est cela, oui, une arme redoutable contre les appareils volants à basse altitude. Ouais. Reagan est élu en 1981, mais puis il entre en fonction au début de l'année 81. C'est aussi l'année où, en France, Mitterrand arrive au pouvoir. Et la sympathie de la nouvelle équipe va plutôt au régime en place à Luanda. Oui, une sympathie politique. Évidemment, puisque le président Dos Santos, qui a succédé à Neto, se range résolument dans le camp socialiste. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Qu'est-ce que vous voulez dire? Notre amitié avec Dos Santos coïncide en partie avec nos intérêts économiques. Ouais, c'est-à-dire les intérêts de la compagnie, elle, vous voulez dire? Naturellement, je vous l'ai dit, le régime marxiste de Luanda s'accommode très bien de la présence des grandes compagnies pétrolières occidentales. D'autant que ces compagnies sont très généreuses. Ouais, généreuses avec les dirigeants en place, c'est ça? Naturellement, l'argent coule à flot et la corruption est généralisée. Mais d'un autre côté, nous devons être prudents. Il serait déraisonnable de mettre tous nos œufs dans le même panier, n'est-ce pas? Donc nous ne coupons pas les ponts avec Savimbi, hein? Tout à fait. Et un officier de haut rang du SDEC est chargé d'entretenir de bonnes relations avec Savimbi. Qui est celui-là? Pierre Lettier, un homme dont on a beaucoup parlé récemment à propos de l'acquisition par Elf d'un réseau de stations-service et la construction d'une gigantesque raffinerie dans l'ex-Allemagne de l'Est. Lena, Oui, c'est ça. Et à ce propos, on a évoqué des commissions énormes qui auraient été versées au parti du chancelier Kohl. Oui, mais enfin, l'affaire n'est pas éclaircie, elle pourra encore réserver bien des surprises. En tout cas, à l'époque, c'est-à-dire dans les années 80, le colonel Lettier occupe le poste très sensible de directeur de cabinet du patron de nos services secrets. Qui sont devenus la DGSE. Oui, l'ancien SDEC. Ouais. Mais quelle est exactement la mission de cet officier? Il ne doit pas se contenter de faire des relations publiques auprès de Savimbi. Certes non. Au cours de ses nombreux déplacements auprès de Savimbi, L'étier mesure la détermination des combattants de l'UNITA et la réalité de leur potentiel militaire. Mmh. Mais il doit aussi donner des assurances aux leaders rebelles. Et des assurances de quelle nature, ça ? Mais il doit lui promettre une assistance en cas de victoire. D'accord, mais enfin, la victoire n'est pas acquise. Hein. Elle est loin d'être acquise. Mais l'étier se rend bien compte que la position militaire de Savimbi est pratiquement inexpugnable. Et il ne faut pas oublier qu'en 1992, après des élections nationales qu'il a perdues, Savimbi passera à l'offensive et menacera très sérieusement le régime de Dos Santos. En outre, il est riche, très très riche. Ah, il est diamant. Bien sûr. Mmh. En se repliant dans les forêts, Savimbi a abandonné le pétrole au gouvernement de Luanda, mais il a gardé pour lui l'extraction des diamants qui lui rapporte des centaines de millions de dollars. C'est pas tout. Elf le finance aussi. Alors, Elf, il finance, mais Elf qui est par ailleurs très engagé avec Dos Santos. Eh oui, la compagnie a deux fers au feu, comme on dit. Et là, nous retrouvons deux personnages qui ont fait parler d'eux ces dernières années. Messieurs Sirven et Taralo, deux ennemis intimes qui sont aussi d'éminents dirigeants d'Elf. L'un, Sirven, envoie des millions de dollars à Savimbi, tandis que l'autre, Taralo, prône un soutien inconditionnel à Dos Santos. Et tout ça au sein de la même entreprise. Oui, oui. Et le pouvoir politique est au courant ? Il ne peut pas l'ignorer, comme il ne peut pas ignorer non plus que ces sommes colossales qui passent d'un continent à l'autre, en faisant parfois de précieuses haltes en Suisse ou dans d'autres paradis fiscaux. Oui, d'autres paradis fiscaux, c'est à dire. Oui. Servent essentiellement à l'achat d'armes. Alors même qu'il existe un embargo sur les livraisons d'armes à destination de l'Angola. Ah ben, nous voici donc en pleine actualité. Oui, hein. Je vais vous donner mon sentiment sur les récents développements, l'affaire Falcon, Jean-Christophe Mitterrand. Mais parlez de Pasqua aussi, hein. Si vous voulez. Enfin bien, je pense que c'est la partie visible de l'iceberg. Le reste demeure dissimulé. Pourquoi ? Parce que ce sont les États qui sont coupables et qui ont encouragé la corruption. Ah, les États, mais les compagnies pétrolières aussi, hein. Bien sûr, avec la complicité des États. Et voyez-vous, ce qui me désole le plus dans ce drame qui a déjà fait plus d'1,5 million de morts, c'est que la guerre est une affaire comme une autre. C'est-à-dire Elle permet à des groupes, des réseaux, des entreprises de faire des bénéfices extraordinaires. C'est devenu un système. Alors pourquoi voulez-vous que ça s'arrête ? C'est parfois un jeu très dangereux. Et qu'est-ce que vous insinuez là ? Je m'interroge sur la mort récente d'un de nos anciens agents. Qui ? Thierry Imbeau, le fils du patron de la DGSE, nommé après le lamentable fiasco de l'affaire du Rainbow Warrior. Ouais, je me souviens, ouais. Et pourquoi vous interrogez-vous alors ? Cet agent qui connaissait beaucoup de choses à propos du sulfureux dossier des frégates de Taïwan était aussi très lié à Pierre Falcon. Il est malencontreusement tombé de son appartement en fermant ses volets. Et vous soupçonnez un assassinat ? Oh, je ne soupçonne rien, monsieur Pénoux. Je vous l'ai dit, je m'interroge. Impossible de lui en faire dire plus. Mais nous parlerons peut-être de cette mort tragique un jour prochain. En attendant, je voudrais vous recommander la lecture du livre de Pierre Laitier qui vient de paraître chez Albin Michel, « Argent secret, l'espion de l'affaire Elf parle », et aussi celle d'un ouvrage capital sur l'Afrique, signé de François-Xavier Verschave et publié aux éditions des Arènes l'an dernier, « Noir silence décortique la politique française en Afrique ». Et page 342, je lis ceci à propos du pétrole angolais. Négocié en 1999, les trois blocs en eau ultra profonde, 31, 32 et 33, renfermeraient les plus vastes réserves mondiales encore inexploitées. Elf a été désigné comme l'opérateur principal du bloc 32. BP Amoco est chef de file sur le 31, Exxon sur le 33. Elf est associé à une société suisse, Prodev, dirigée par un homme d'affaires syrien. Celle-ci a servi d'intermédiaire pour d'importantes livraisons d'armes au Moyen-Orient. Elle aurait fait de même en Angola. Ces 15% dans le bloc 32 viendraient garantir la transaction. Les responsables d'Elf affirment ne rien savoir sur Prodev. Évidemment, c'est un pétrolier de raccroc, tout comme Pierre Falcon, dont la société Falcon Oil and Gas s'est mise à jouer dans la cour des grands. Elle a obtenu 10% dans le bloc 33. Ces pourcentages gagent des prêts considérables destinés aux achats d'armes ou de fournitures pour l'armée angolaise et aux coffres personnels. Ils s'ajoutent aux droits d'entrée ou bonus obtenus par le clan au pouvoir. 1 milliard de dollars pour les seuls blocs 31 à 33. Ce paiement de bonus hors budget, c'est comme payer des gangsters pour obtenir un service, s'indigne un observateur. Les dirigeants angolais participent à un vol légal. Un dernier mot. Le budget de la guerre absorbe 40% du budget de l'Angola. samedi prochain et je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur internet www.franceinter.com.